Chapitre 6e. Arkham, Université Miskatonique, décembre. Rentré en Russie, Alexandre Koslov profita de sa mise en congé forcé pour finaliser le rapport sur la Russie de demain, qu'il comptait remettre au président Popov, qui en avait apprécié les grands axes. Il se rendit aux États-Unis, à Arkham, dans le Massachusetts, afin de consulter un ouvrage introuvable. Il partit sans son épouse Svetlana, qui voulait rester à Moscou pour préparer les fêtes du 1er de l'an et de Noël, auxquelles étaient confiées sa fille Xenia et son gendre Ivan. Elle ne désirait ni les décevoir au réveillon du 31 décembre, ni à celui des 6 et 7 janvier. Aussitôt parvenu aux USA, Koslov se rendit à la fameuse université de Miskatonic, la Mecque des sciences occultes. Les pionniers, dont certains étaient des descendants directs des pèlerins du Mayflower qui fondèrent Arkham, passaient pour de fins lettrés, fiers de leur éducation. Ils se firent un devoir de construire un établissement qui devait être l'embryon d'une future université au cœur même de la ville nouvelle. En 1690, la Grande Cour générale du Massachusetts conféra une existence légale à l'Institut d'enseignement supérieur de la vallée du Miskatonic sur requête express des villes et paroisses d'Arkham, Innsmouth, Kingsport et Salem. Les cours se tenaient alors dans la maison paroissiale congrégationniste de French Hill à Arkham et eut au fait de prendre le nom d'Institut d'Arkham. Le surnom de Miskatonic qui lui fut donné plus tard était considéré par les puristes comme inapproprié, à la fois en raison des liens génocidaires qui le reliaient aux Indiens locaux et par l'aspect peu sérieux qui lui venait de la sonorité de ce vocable étrange. Comme Harvard ou la plupart des écoles d'excellence de la Nouvelle-Angleterre, l'Institut d'Arkham accueillit de nombreux séminaires. À son arrivée à la bibliothèque, Koslov ne perdit pas son temps dans les étages supérieurs du bâtiment. Même si la majorité des livres s'y trouvaient, il n'était pas venu pour eux. Chez lui, à Moscou, la bibliothèque Roumantsiev, à cette époque encore rebaptisée Lénine, avec ses 17,5 millions de volumes, était mieux achalandée. Il se rendit dans les sous-sols à la salle basse. C'était à cet endroit que se trouvait la collection Pickman. Après 2 heures de recherche dans les rayonnages, il ne trouva que des données généalogiques remontant au procès des sorcières de Salem. Déception. La plupart des chercheurs présents compulsaient des documents relatifs à la colonisation des États-Unis. Il était vrai que, hormis les ouvrages stockés à la bibliothèque du Congrès à Washington, la salle basse de Miskatonic rivalisait sur ce sujet avec les plus prestigieuses institutions nord-américaines. Koslov finit par repérer derrière un bureau, trop petit pour lui, un documentaliste en uniforme. Il semblait somnolé, les yeux mi-clos. Un filet de voix fluet laissait échapper un chut, lorsqu'un bruit venait troubler la quiétude monacale du lieu. À sa droite, une lourde porte de fer portait un écriteau, collection réglementée d'Armitage. Fondue dans la masse, cette inscription plongée dans l'ombre aurait pu rester comme une sorte de décoration d'un autre âge. Koslov patienta. Il y avait une personne avant lui. Après un bref échange, le bibliothécaire se leva, ôta de sa ceinture le cercle de fer appelant les anciens trousseaux de geôlier, saisit la grosse clé et l'introduisit dans la serrure. Ce sésame donnait accès à un escalier qui menait dans les soubassements de l'édifice. D'un mouvement de la tête, suivi d'un geste de la main, l'agent invita le demandeur à pénétrer dans les entrailles du bâtiment. Quand il fut de retour à son bureau, Koslov attendit que l'homme lui fasse signe. De près, le factotum ressemblait à un taureau en livrée. Ce malabar, aux cheveux roux semblables à un feu de broussailles, avait le cou trop gros pour un col de chemise trop petit. Il portait un veston. Sur la poche située à hauteur du cœur était brodé en fil d'or un nom, Mortimer. Sous l'étoffe, ses bras paraissaient robustes. Ses poings recelaient une force herculéenne. Lui, qui de loin donnait l'image d'un homme gros et bedonnant, n'avait rien d'un poussin. À son contact, on avait plutôt la sensation de faire face à un sumotori. Violence, force et brutalité se dégageaient de cet individu au premier abord falot. Il était le garde des bas-fonds de la bibliothèque. Koslov sentit qu'il valait mieux ne pas réveiller le volcan qui somnolait en ce Cerbère, gardien des enfers. « Monsieur, c'est à vous, » dit Mortimer. Sans attendre, Koslov s'approcha du bureau. « Pardonnez-moi, » susurra Koslov dans un parfait anglais. « Puis-je consulter un ouvrage ?» Sans lever la tête de son registre, le bibliothécaire lança « Votre nom d'abord ». Surpris par cette marque d'impolitesse, lui dont la fonction d'ambassadeur l'avait accoutumé à plus d'égards, demeura interdit en répondant. « Alexandre Konstantinovitch Koslov. Je cherche un livre que je ne peux pas trouver. » « Lequel ?»« Isis dévoilée. » « D'Elena Petrovna Blavatsky, 1891. » compléta le bibliothécaire avec une assurance qui déconcerta Koslov. Il ne le montra pas. On lui avait appris à ne jamais s'étonner, ou du moins, à ne jamais trop paraître surpris par quoi que ce soit. « Exactement, » confirma-t-il. Sans quitter la torpeur dans laquelle il semblait indéfiniment plongé, le gros homme leva son poing massif et dirigea le pouce vers l'écriteau, situé derrière lui. Indiquant la réserve d'Ermitage, il dit à l'ex-ambassadeur « Puis-je avoir votre accréditation ?» Alexandre Koslov resta perplexe. « Je ne l'ai pas sur moi. Je ne pensais pas qu'on allait me la demander, » répondit-il. « Alors c'est le service d'accueil. » Koslov, ne comprenant pas, osa une question. « Est-ce que c'est le moyen d'avoir accès à l'ouvrage sans accréditation ?» Restant imperturbable, le bibliothécaire répéta. « J'ai dit le service d'accueil. » Koslov n'insista pas et attendit les ordres de Mortimer. « Vous reprenez le chemin par lequel vous êtes venu. À la réception, vous demanderez un certificat de parrainage, » lui indiqua-t-il, en désignant du doigt la voie qu'il devait emprunter pour gagner le bureau des réclamations. Le diplomate s'engagea dans le couloir indiqué. Oh, surprise, il croisa un distributeur, Andrei Alexandrovitch Verkhoturov, commandant de 2 unités d'élite de l'armée rouge, les Spetsnaz, section d'intervention, et les Wimpel, groupe étendard. « Bonjour, Andrei, » s'écria Koslov. « Que fais-tu là ?»« J'assiste à un séminaire sur le djihadisme. Nous avons une pause. Je suis venu prendre une boisson. Et toi, pourquoi es-tu ici ?» Après lui avoir expliqué les raisons de sa présence, Koslov lui détailla le problème qu'il rencontrait pour avoir accès à la salle de consultation. « On va arranger ça, » lui dit le militaire. « J'ai mon accréditation. Je vais te servir de certificat de parrainage. Allons voir ton tortionnaire. » Un frisson de satisfaction parcourut le dos de Koslov et s'évanouit le long de son échine. Sur la joue droite de Mortimer, un muscle tressaillit lorsque le diplomate en retraite lui dit « Voici mon sésame ». Surpris par la nature du document vivant présenté, le gardien fit face à un individu pas très grand, carrure d'athlète, tout en muscles, la peau durcie par les intempéries, les cheveux grisonnants, avec des traits exceptionnellement réguliers et fiers et des yeux rapides couleur de silex. Le commandant Verkhoturov, la 50aine, était un homme qui commençait à lutter contre l'âge. « Parfait. Vous avez encore l'esprit farceur pour un homme aux cheveux blancs, » s'exclama le protecteur des lieux en s'adressant à Koslov. Il sortit alors du tiroir que sa bedaine empêchait d'ouvrir une carte de sociétaire couleur bistre. Dans l'angle droit était dessiné l'œil d'Horus. Au milieu du laissez-passer figurait en lettres gothiques « Accréditation ». Mortimer demanda à Koslov de tendre la main pour me renverser. Il sortit une épingle de son ceinturon, lui piqua le doigt, lui fit apposer son empreinte digitale ensanglantée au bas d'un récépissé et lui tendit le règlement en lui disant sentencieusement « C'est absolument à lire. Rien ne rentre, rien ne sort. On consulte les ouvrages sur place. Tout doit rester entre ses murs en l'état, sinon… » Mortimer redressa la main perpendiculairement à sa gorge, signifiant ainsi que tout manquement serait sanctionné par la justice du pays. Alexandre Koslov était ainsi prévenu que s'il ne voulait pas se voir poursuivi, il était tenu de ne retirer aucun document du gouffre de Miskatonic. Le bibliothécaire se leva, et comme il l'avait fait pour le précédent client, il invita l'ex-ambassadeur à descendre dans les caves de la bâtisse. Koslov prit alors congé de Verkhoturov. Il remercia le commandant pour son aide et promit de le contacter dès qu'il serait de retour à Moscou. Tout en lui faisant un signe de la main, il emprunta l'escalier en colimaçon taillé dans la roche. Il se cramponna à la rampe. La pierre humide risquait en effet de le précipiter en bas que par-dessus tête, s'il faisait preuve de distraction. Il évita donc toute imprudence pour échapper à une dégringolade pouvant se solder par un coup rompu ou de douloureuses contusions. Pour se concentrer autant que pour se détendre, Koslov se mit à compter ses pas. 99 fois son pied droit partit en éclaireur, et 99 fois son pied gauche le rejoignit. Seuls quelques champignons vaguement fluorescents et une lumière vive au bout de la descente permettaient aux yeux de continuer à jouer tant bien que mal leur rôle. Arrivé à l'ultime marche, le diplomate franchit le seuil d'une immense pièce parfaitement agencée, éclairée par une lumière qui avait un je ne sais quoi de surnaturel. À sa grande surprise, il se trouvait non pas au milieu de rayonnages poussiéreux ou cerné par des livres ou des parchemins comme il s'y attendait, mais dans un grand salon à l'anglaise. une pièce somptueuse, garnie de peintures strictement encadrées. Là, un majordome, sur l'uniforme noir et jaune auquel était brodé Douglas, le prit en charge. Il l'accompagna jusqu'à un luxueux espace privé. C'était une alcôve. Il y trouva une chaise molletonnée et une table de travail, où était déposé un sous-main en cuir. Une lampe verte à chevillette éclairait le lieu. Une camériste s'approcha de Kosloff et lui dit « Que monsieur désire-t-il ? » Le diplomate retrouva là le type de relation auquel sa fonction d'ambassadeur l'avait accoutumé. Cela contrastait avec la rusticité de l'accueil que lui avait réservé le garde Chirum du rez-de-chaussée. « Je souhaiterais consulter l'Isis dévoilée d'Elena Petrovna Blavatsky, la version intégrale. » La femme nota le titre et l'auteur de l'ouvrage. « Bien, monsieur. Désirez-vous que l'on vous serve une boisson ?» Tous ces égards replongeaient Kosloff dans son quotidien de haut fonctionnaire. « Un café sans sucre, s'il vous plaît. » Avec un petit sourire, il ajouta. « Un tarazou vous agréera-t-il » Totalement sous le charme de l'hôtesse, Kosloff s'exclama. « C'est la Rolls-Royce du café, avec grand plaisir. » Pour rien au monde, il ne voulait manquer l'occasion de déguster l'un des meilleurs breuvages du monde. Il ne fut pas déçu en consommant le tarazou, ce café du Costa Rica, récolté en haute altitude sur un sol volcanique qui lui conférait toute son originalité. Il savoura à l'en gorger ce nectar qui libérait, au contact de ses papilles, des arômes intenses légèrement acidulés avec un arrière-goût de cacao. Il finissait sa tasse quand le livre arriva. L'Isis dévoilée était la pierre angulaire de la recherche occulte moderne. 666 pages, dont l'ambition était de réfuter la pensée dogmatique qui réduisait en esclavage la théologie et la science. L'édition grand public en anglais ne comportait que 587 pages. C'était donc les pages fantômes de la version originale en russe, possédée par Miskatonic, qui rendait cet exemplaire si précieux et si intéressant. En premier lieu, c'est le chapitre traitant de la thérianthropie qui capta l'attention de Kosloff. Alors que les premières pages fantômes de l'ouvrage se résumaient à un propos kabbalistique dans un sabir incompréhensible, le passage intitulé Volkodlak, commençant par une description limpide et des gravures de deux grottes, attira son attention. La première se situait dans le sud de la France, en Ariège. Ce lieu qu'il visita en tant qu'ambassadeur s'appelait la grotte des Trois Frères. La seconde se trouvait dans l'Oural du Sud. C'était la grotte Magdalenko. Dans ces deux excavations, connues comme des foyers de l'art pariétal, on y voyait la représentation d'êtres mi-homme, mi-animal. En France, il s'agissait d'un sorcier pratiquant un rite magique et en Russie d'un chaman en transe. Tous deux incarnaient le dieu des animaux, celui que les occultistes, comme les archéologues, nommaient le dieu cornu. La différence entre les deux sites tenait au personnage qui l'accompagnait sur la paroi. En Ariège, le petit sorcier à l'arc musical possédait simultanément les caractéristiques d'un humain et celles d'un bison. En Oural, le chasseur aux longues griffes était un lycanthrope, un homme-loup, un loup-garou. Il était ensuite fait allusion à l'hôtel des loups, pièce dans laquelle des humains stylisés étaient séparés d'une meute de loups assoiffés de sang par sept anthropomorphes, les Volkodlaks. En deuxième lieu, Kosloff tomba sur la partie de l'ouvrage qui faisait allusion à Wolfgang Gottlieb Thies, dont le procès s'était tenu à Jürgenburg en 1692 en Livonie. Son serment, le prévenu témoignait que lui et les autres loups-garous étaient des Dievas unis, les chiens de Dieu, les âmes grises. Dans la grande guerre qui opposait depuis la nuit des temps le bien et le mal, les âmes lumineuses et les âmes obscures, Dieu avait laissé les très anciens païens produire des oboros, des transformés, afin de prendre l'avantage sur le diable. Les oboros étaient des guerriers. Ils étaient allés en enfer en décondre avec les sorcières et les démons. Quand le juge demanda à Thies comment il était devenu un oboro, le Livonien raconta qu'il avait été choisi près d'un demi-siècle plus tôt par le légendaire roi sorcier Beslav pour protéger la voïvodie de Venden et favoriser ainsi son rattachement à l'Empire russe. En dernier lieu, Kosloff s'arrêta sur le passage où l'auteur, Elena Petrovna Blavatsky, se penche sur la destinée et les exploits de son ancêtre, le roi sorcier du Landmark, qu'elle qualifie de seigneur noir des Scythes. Elle relate alors que son aïeul leva une armée d'oboros et lâcha la première meute de Dievasuni commandée par son premier transformé, le fidèle Vitotas, qu'il désigna capitaine. Ce récit ramena Kosloff à son enfance, ou sous différentes variantes, il lui fut raconté. Bien que toujours émerveillé par l'histoire ce jour-là, la lecture lui ouvrit une perspective. Pour la première fois, derrière la forme allégorique des faits rapportés, il percevait dans l'action des Bolkodlak la matrice d'une organisation armée secrète, une OAS, au service d'un idéal. En sortant de la bibliothèque, ayant pu consulter tous les passages qu'il recherchait, Koslov disposait désormais de matière pour répondre à la commande du président Popov qui demandait d'imaginer la future Russie sans la couper de ses racines. Dans le rapport qu'il envoya par voie diplomatique en Russie à la mi-décembre, Alexandre Koslov faisait ressurgir les Bolkodlak puissants et fiers, tels qu'ils lui étaient apparus sur l'eau-forte illustrant l'Isis dévoilée d'Elena Blavatsky. Il voulait, à présent qu'il était libéré de son rapport et que son congé demeurait sans terme, réaliser un vieux rêve d'étudiant, aller sur la côte ouest des États-Unis afin d'humer l'odeur pourrie mais délicieuse du capitalisme, comme on le disait en plaisantant à la fin de l'ère soviétique. Il visita Los Angeles, arpenta quelques grands casinos de Las Vegas et vit à San Francisco la petite maison bleue adossée à la colline, dont parle le chanteur français Maxime Le Forestier. Voilà près de 15 jours qu'il avait déposé son rapport. Il n'avait pas la moindre nouvelle. Il était convaincu que sa contribution avait fini dans les caves du Kremlin. Au mieux, si elle avait retenu l'attention, elle figurait sous la place rouge dans les rayonnages des archives d'État. Au pire, elle était passée au broyeur comme la somme de documents sans intérêt qui arrive à la forteresse des tsars. Il faut dire que répondre à la commande du président Vladimir Popov avait posé au départ un cas de conscience à Alexandre Koslov. De tempérament prudent, il s'était demandé que faire. Son sentiment hérité de sa jeunesse en Union soviétique fut la crainte, celle du mot de trop, celle de la parole égarée, qui vous fait tomber en disgrâce, vous entraîne dans un accident de circulation ou vous envoie au goulag, à la Loubianka, dans les sinistres geôles du terrible KGB. Il avait lu et relu ce rapport. Il ne voyait pas ce qui pourrait déplaire ou éveiller la colère des services secrets qui veillaient jalousement sur la sécurité de l'État. Ce réflexe de méfiance qu'il témoigna de prime abord envers la réponse à donner au président Popov remontait à une douloureuse expérience, l'affaire du Brigantin, qui était arrivée à son amour de faculté, Svetlana Yurievna Kikina, l'été de leurs premiers émois. L'auditeur qui veut prendre connaissance de cette histoire peut consulter les archives du Kremlin en annexe au document B. Il en était à ce stade de ses appréhensions et de ses craintes lorsqu'il reçut de Moscou un appel du bureau du Premier ministre Dimitri Kozakov lui fixant un rendez-vous pour le 28 décembre. Cela tombait bien. Koslov avait envisagé de retrouver les siens pour les fêtes du 1er de l'an et du Noël orthodoxe les 6 et 7 janvier. Il ne devait pas fâcher sa femme, Svetlana, qui s'était privée du voyage aux USA, pour préparer spécialement ces deux réunions de famille.